Manga Maloba. À la droite de l'escalier planté sur une pelouse bordée d'hibiscus, deux potes d'acajou à peine équarris soutiennent une épaisse planche de fraquet gravé. Nathalie s'applique à lire. Manga Maloba Lodge, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de bagagiste. Tout en aidant James, je réponds. Hôtel de la montagne du tonnerre. Et le tonnerre se manifeste par la voix d'un énergumène plus large que haut à la livrée bardée de galons tel un amiral. Dans le dialecte local et d'une voix de stentor, il auspice en ménagement deux jeunes garçons vêtus de boubous blancs qui se précipitent pour prendre nos bagages. Se tournant vers nous et de la même voix de basse nuancée par une profonde courbette, il nous fait mille excuses dans un français tout à fait correct. Je croyais que les anglophones camerounais ignoraient délibérément cette langue. Soyez les bienvenus au Manga Maloba Lodge, et veuillez nous excuser pour ce petit retard du service d'accueil. Ces deux vauriens devaient être encore en train de dormir dans un coin. Je suis Wandang Fulbert, votre concierge, pour vous servir. Un ordre bref en bakwéri, et les deux vauriens chargent nos valises sur un chariot à bagages qu'ils poussent jusqu'à la réception. Avec son architecture baroque, le Manga Maloba Lodge semble contemporain de la tour Eiffel, un mélange du grand palais et du pavillon Baltar. L'impression se confirme dès le seuil franchi. On est directement catapulté au XIXe siècle. Tout n'est que palissandre, acajou, cuivre astiqué et rutilant. Pour qui est habitué comme moi à fréquenter les hôtels de brousse africains, l'ensemble est d'une propreté stupéfiante. Il est vrai que ce n'est pas un hôtel de brousse comme les autres, mais un mini-palace à 1000 mètres d'altitude sur les contreforts du mont Cameroun. Un couple d'Anglais qui séjourne régulièrement en est propriétaire. Nathalie se penche vers moi, impressionnée. Il ne manque plus que la reine Victoria, son escorte et sa suite, mais ils ne vont sans doute plus tarder. Malgré sa corpulence hors norme, Fulbert se déplace à une vitesse étonnante. Il est déjà derrière le comptoir et tend à chacun une petite fiche cartonnée qu'il nous faut remplir pour obtenir les clés de nos chambres. Sur la droite du comptoir, une plaque de cuivre que l'on doit astiquer à peu près toutes les heures tant elle brille, indique que le bâtiment a été construit en 1906 pour abriter les bureaux de l'administration allemande et reconverti en club par les Britanniques en 1920. Étonné, je vois Fulbert donner une clé à James, m'en remettre une et aucune à Nathalie. Notre relation aurait-elle été officialisée par l'ambassade US qui a fait les réservations? Nathalie marque la même surprise que moi. J'aimerais bien avoir aussi une chambre. Le sourire de Fulbert rendrait jaloux le chat du chercheur. On ne voit que ses dents. Bien qu'à 7 heures l'hôtel soit désert, nous sommes au complet. Un groupe qui monte demain et l'autre qui descend ce soir, mais que madame ne s'inquiète pas. Vous partagez la suite du gouverneur avec monsieur Rin, et votre garde du corps dispose d'une chambre contiguë à votre suite. James, le garde du corps, complète l'explication. Excusez-moi, madame, j'ai omis de vous en informer. Les services de l'ambassade ont fait le nécessaire dans les règles. Votre suite dispose d'un grand salon avec à chaque extrémité une chambre indépendante, son bureau et sa salle de bain. Vous avez donc votre propre chambre. Nathalie lui lance un regard qu'elle voudrait glacial et rétorque avec le plus grand calme. Ah bon, vous m'avez fait peur. Parce qu'autrement vous étiez bon pour partager le lit de M. Rin de nuit de suite. Je sais qu'elle a mal fou à conserver son sérieux, mais travailler dans une ambassade est à n'en pas douter un atout majeur pour garder son sang-froid dans ce genre de situation. Elle adoucit un peu la voix. Et, James, s'il vous plaît, vous veillerez à ce que notre véhicule soit garé dans un box, ou qu'il soit sérieusement gardé toute la nuit. Le matériel est très onéreux, et surtout sans lui, je n'aurais plus qu'à annuler la mission. Derrière ses rébans, James reste totalement impassible. Je vais m'occuper de faire stocker le matériel dans ma chambre. J'ai le sommeil léger, quand je ne serai pas là, je doute que quelqu'un puisse y pénétrer sans le regretter aussitôt. James est donc bien notre garde du corps. Peut-être est-il même du Secret Service. À travers un large couloir, les deux garnements en boubou blanc nous escortent jusqu'à nos chambres et y déchargent nos bagages. Lorsque je pénètre dans la suite, j'ai un coup au cœur. Indépendamment du style d'ameublement et de la déco du salon qui nous plonge dans une ambiance à la Jules Verne, la disposition de la suite ressemble à s'y méprendre à celle de Barbizon. On se croirait au premier étage de la tour Eiffel. Et le mur d'en face est percé d'un gigantesque bow window donnant sur les jardins. Son armature métallique est fixée à intervalles réguliers par d'énormes rivets et quatre lourds rideaux de velours bleu montés sur toile occultante permettent de faire l'obscurité dans la pièce ou de se protéger des ardeurs du soleil. Nathalie m'adresse un large sourire où l'on ne voit plus que ses yeux et ses fossettes. La tour Eiffel, Barbizon et le Blue Velvet réunis ici au beau milieu de l'Afrique. C'est incroyable. Après avoir déposé nos valises dans nos chambres respectives, nos deux bagagistes s'éclipsent discrètement tels des fantômes enveloppés dans leurs draps blancs. Un léger toc-toc à la porte entrouverte, c'est James qui passe son nez et ses rébans dans l'encoignure. « Excusez-moi, j'ai des ordres. Je dois inspecter la suite. Ce ne sera pas long. » Pendant que James nous sécurise, Nathalie se laisse tomber dans le canapé face à la grande verrière qui donne sur les jardins descendant la colline en pente douce. Tout en bas, à quelques 500 mètres, commence la forêt. C'est somptueux. Mon Dieu, que c'est beau. Un autre coup discret à la porte, cette fois c'est Fulbert. Excusez-moi, je venais voir si tout était en ordre et s'il vous fallait autre chose. Il ne semble même pas surpris de voir James sortir de la chambre de Nathalie et passer dans la mienne. Ce qu'il a par contre remarqué, c'est le visage émerveillé de Nathalie qui s'extasie sur les variétés d'arbres, d'arbustes et de fleurs qui composent les jardins et sur la finesse du gazon anglais des pelouses. Il serait propriétaire de toutes ces merveilles qu'il ne se rengorgerait pas davantage. Vous êtes dans l'ancien bureau du vice-gouverneur de Beuya du temps des Allemands. Ce sont les Anglais qui en ont fait une suite quand le bâtiment a été transformé en club. Cet appartement occupe toute l'extrémité est de l'hôtel et... J'abrège l'exposé de Fulbert en lui glissant un billet. Il se confond en remerciements et courbette. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Le bar ouvre à 18h et le restaurant à 19h. Sur cette énumération digne d'un horaire SNCF et une dernière courbette, Fulbert s'éclipse tandis que James termine l'inspection du salon. Tout est clean, madame. Il glisse un petit boîtier à Nathalie. Je suis dans la chambre contiguë. En cas de problème, vous n'avez qu'à appuyer là. Soyez aimable de me prévenir si vous descendez au bar ou au restaurant. Madame. Une légère inclinaison de tête et lui aussi disparaît. La porte sera ferme. Nathalie m'ouvre les bras. Enfin seule. Je m'assieds près d'elle. Elle ferme les yeux et me tend ses lèvres. Sa bouche est si douce. Nous n'avons pu nous embrasser depuis que nous avons quitté la plantation ce matin avec Zorro. Juste un discret frôlement de main de temps à autre. Je caresse sa joue, ses cheveux. Les mots se mêlent à nos souffles. Je t'aime. I love you. Il n'y a plus que ses yeux, la peau si douce derrière l'oreille, son corps tiède contre le mien. Un vertige nous prend. Je sais que, tout comme moi, elle n'est plus dans cette pièce, mais quelque part dans une immensité paisible où tout n'est que caresse. Doucement, sa langue effleure la mienne. Mon cœur gonfle à éclater, et je sens le sien qui bat de plus en plus vite, de plus en plus fort. C'est elle qui, par je ne sais quel effort de volonté, parvient à redescendre du nuage où nous étions blottis et à se détacher de moi. Monsieur Rin, Madame Lorlaine, je crois que je serai tout à vous après le dîner, mais j'ai d'abord mille et une choses à faire pour préparer la sortie de demain. Elle fait une drôle de grimace. Ne sois pas fâchée. Tu me connais. Tant que ça ne sera pas fait, je serai incapable de me détendre. Je lui prends le menton entre le pouce et l'index et dépose un bisou léger comme une plume sur cette jolie bouche. Je suis d'autant moins fâché que je fonctionne exactement comme toi. Personne ne pourrait mieux te comprendre. Bien qu'il nous en coûte, et tout comme à la grande case, nous allons prendre notre douche et ranger nos affaires dans nos chambres respectives. Elle a été la plus rapide. Une demi-heure plus tard, je la retrouve à la même place, sur le canapé. Étalée sur la table basse, deux cartes, un bloc-notes et une calculette scientifique. Elle est déjà tellement plongée dans ses cogitations qu'elle ne m'entend pas et sursaute lorsque je pose la main sur son épaule. « Oh, c'est toi ?» On dirait qu'elle revient de la lune. Je vais devoir vérifier un ou deux points avec James pour demain matin. Après, on pourra aller boire un verre si tu veux. Elle regarde sa montre. Le bar ouvre dans 10 minutes. Je m'incline. « Madame, je suis tout à vous. » Elle penche sa tête sur le côté avec un petit rire de gorge. « Mais j'espère bien. » Je la prends par une main et la fais se lever. « Avant d'appeler James, laisse-moi t'admirer. » Elle s'est débarrassée de son jean, de sa chemise et de ses sandiagues, qu'elle a troquées pour une robe blanche au bustier ajusté et à la jupe ample sanglée à la taille par une large ceinture de toile blanche. Aux pieds, des ballerines blanches. Je la fais pivoter pour l'admirer. On dirait une lycéenne des années 50. Elle me sourit. « Ça te plaît ? J'adore ce style de vêtements. Elle fait une moue. J'ai rarement l'occasion d'en porter, mais à l'ambassade, surtout avec ce genre de bustier sans soutien-gorge, ça ne ferait pas très sérieux. Une caresse sur ma joue. Juste un moment, après on va prendre un verre. En deux pas, elle atteint le téléphone, jette un coup d'œil à la petite notice, décroche et tape rapidement un numéro, sans doute celui de la chambre de James. « Hello, could you come a moment, please ?» James doit avoir des super-pouvoirs, car à peine a-t-elle raccroché que l'on frappe de petits coups discrets à la porte. Nathalie sait que même si j'ai quelques difficultés à le parler, je comprends l'anglais. Aussi est-ce en cette langue qu'elle organise avec James notre expédition de demain sur les contreforts du Mont Cameroun. Ici, nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'au Tchad. En cette saison, la température ne dépasse pas 26 degrés au plus chaud de la journée. Il est vrai que nous sommes à 1000 mètres d'altitude et que demain nous allons encore grimper de quelques 500 mètres. Nous pourrons donc partir tranquillement vers 8h30 après le petit déjeuner. Nathalie lui montre les zones de recherche sur la carte pour demain et après-demain et lui précise en quoi va consister le travail. Attentif, James prend quelques notes sur un petit carnet puis se lève en faisant glisser ses Ray-Ban de son front à son nez. « Ok, madame. Je commande les paniers pique-nique à la réception et j'irai me présenter au poste de police avec passeport et ordre de mission. Ensuite, j'y revois les Rangers, car les deux zones de mesure se trouvent en limite du parc national. Ils ont déjà été informés de notre arrivée et ne comprendraient pas si on ne leur faisait pas une petite visite de courtoisie. Je n'en aurai pas pour longtemps. S'il vous plaît, ne quittez pas l'hôtel avant mon retour. » Nathalie lui adresse un sourire entendu. « Nous avons une autre compte pour aujourd'hui. Pas trop envie de faire du tourisme. Vous nous trouverez au bar. » James parti, Nathalie range tous ses documents en un tournement et revient se précipiter dans mes bras. « J'ai bien repéré le minibar, mais je préfère aller faire un tour dans l'hôtel. On pourrait voir à quoi ressemble le restaurant. » Elle me prend par la main et m'entraîne hors de la suite. Le couloir est désert, tout comme le hall de réception. Mais à peine y sommes-nous arrivés qu'une ribambelle de minibus stoppe devant l'entrée et déverse un flot d'énergumènes équipés comme des alpinistes. Ils s'interpellent bruyamment en allemand. Grosses chaussures de marche, sac à dos, bâtons et pour certains, rouleaux de corde en bandoulière. À voir leur état, ils sont certainement partis pour plus de 24 heures. Il existe un refuge à mi-parcours du sommet, ils y vont sans doute passer la nuit. Nous avons juste le temps de nous plaquer contre le mur. Seul moyen d'échapper à la horde teutonne qui défale dans le hall en se bousculant joyeusement. D'un signe de tête, je désigne l'entrée du bar à Nathalie. Entre un géant chauve et barbu et une splendide Gretchen vêtue de ponchos de toile et de culottes de cuir. Nous parvenons tant bien que mal à nous y glisser. L'endroit est magnifique, digne d'un décor de roman sur l'Afrique coloniale du début du siècle. Derrière le bar en acajou massif, s'affairent deux jeunes Africains en chemise blanche et nœuds papillons noirs. Dans la salle au mur garnie de quelques trophées et de vieilles photos précieusement encadrées, une vingtaine de petites tables avec leurs fauteuils club et leurs banquettes à l'anglaise. Leur cuir patiné s'accorde parfaitement à l'acajou du mobilier. Deux vénérables lustres en cristal décorent le plafond. L'ambiance feutrée, très cosy, vient surtout des petites lampes en cuivre style art déco, qui dispense un halo de lumière douce autour de chaque table. Nathalie m'indique la seule table libre proche de la baie donnant sur les jardins. Les fauteuils sentent le cuir et le tabac blanc. Il n'y a qu'à fermer les yeux pour être transporté au début du siècle, et l'on sentirait presque la présence de ceux qui autrefois fréquentaient ce lieu. Le plus jeune des deux barmanes vient prendre notre commande et Nathalie en profite pour se renseigner. Notre bar est vraiment très agréable. Un peu trop petit peut-être pour accueillir tous les clients de l'hôtel. S'inclinant légèrement et dans un angle parfait qui laisserait à penser qu'il a fait des études à Oxford ou Cambridge, le jeune homme répond. Oh, si l'hôtel fait la quasi-totalité de son chiffre avec les groupes qui entreprennent l'ascension du volcan, ce n'est le cas ni du bar ni du restaurant. Nathalie s'étonne. Ces gens-là n'ont-ils donc jamais soif ni faim? Le jeune homme semble très heureux de renseigner sa cliente. Son lito posé sur l'avant-bras, on voit tout de suite qu'il soigne autant sa présentation que son langage. Il préfère les maquis à notre établissement. Les maquis, ce sont des bars-restaurants populaires typiques où l'on sert exclusivement des boissons et de la cuisine locale à des prix défiant toute concurrence. Petite moue dépitée de Nathalie. Ah, Donc, si je veux déguster une boisson, un plat local, il me faudra trouver un maquis. Non pas, madame. Nous pouvons vous proposer la même chose, sans que votre estomac n'ait à en souffrir. » Un peu perdu, Nathalie m'interroge du regard. Je ne pipe mot. Devant mon mutisme affecté, elle se retourne vers le jeune homme. « Que pouvez-vous nous proposer en apéritif ?»« Si vous le permettez, je vous conseillerais notre cocktail maison. Le lobakimari citronnade, jus de gingembre, foie lait et une pointe de gin, ou deux, si vous le souhaitez, bien sûr. » À la seule évocation des ingrédients composant cette potion magique, je vois les yeux de Nathalie s'allumer. Elle se tourne vers moi. « Qu'en penses-tu ? » Je me fais aussi rassurant que possible. « Pour, mais avec une seule pointe de gin. » « Alors de l'oba au gin. » Le jeune homme s'incline, pivote sur ses talons et retourne derrière le comptoir passer la commande à son chef. Les deux vastes fauteuils dans lesquels nous sommes installés sont disposés côte à côte. Nathalie se rapproche de moi. « Tu ne disais rien. » Je prends sa main. « Tu dis toi-même que je suis un gros paresseux. » « J'ai préféré te laisser l'initiative. » Je lui fais un petit clin d'œil. « D'ailleurs, tu t'en es très bien sorti. » Nathalie fronce les sourcils. « Y aurait-il quelque ironie dans ton propos ?»« Pas le moins du monde. C'était juste un bonheur de te voir découvrir les mœurs et la gastronomie locale. Si tu veux prendre ce jeune momo, demande que le restaurant nous prépare un poulet DG pour le dîner. Mais si tu veux que le plat soit prêt pour 20 heures, il faut le commander de suite. Crois-moi, c'est un délice, tu ne le regretteras pas. Un poulet DG, qu'est-ce que ça veut dire ?»« DG, ça veut dire directeur général. C'est un plat exceptionnel qui n'est servi qu'à de grandes occasions. » Sourire de Nathalie. Décidément, les Africains et leur vocabulaire imagé ne cesseront pas de m'étonner. Le jeune barman revient avec nos cocktails et tout un assortiment de coupelles garnies de divers amuse-bouches. Nous avons droit à une démonstration de service digne de l'école hôtelière. Tout est disposé au millimètre avec sous-verre, pique de bois et petites serviettes savamment pliées. Nathalie félicite le jeune garçon. Mes compliments pour le service. J'espère que ce sera aussi bon que beau. Et lui demande de passer commande de notre part d'un poulet DG pour le dîner. Pensez-vous que ce sera prêt pour 20 heures? Sans aucun doute, madame. C'est la spécialité de la maison, vous ne serez pas déçus. Si le service du restaurant est à la hauteur de celui du bar, je suis certaine que nous ne le serons pas. Je crois que s'il était blanc, on aurait vu rougir le garçon qui se retire prestement pour nous laisser déguster nos cocktails et leur accompagnement. Je détaille à Nathalie le contenu de chaque coupelle. Tu te souviens du restaurant cubain de la Calais au Chaud et de cet assortiment de spécialités que tu m'avais fait déguster? C'est un peu ça, en plus modeste. Je détaille à Nathalie le contenu des diverses assiettes et coupelles, la prévenant que toutes ces merveilles gastronomiques sont forcément pimentées. Sans paraître le moins du monde effrayée par le piment, Nathalie suit mes explications avec intérêt. Et là, qu'est-ce que c'est? Oui, là, sur ces petites piques. J'hésite une fraction de seconde. Des brochettes d'agouti en civet. Bien qu'imperceptible, mon hésitation n'a pas échappé à Nathalie. Petite moue de suspicion. Et qu'est-ce que c'est que l'agouti? Une sorte de gros rongeur. Tu verras, la chair est très fine et très parfumée. Et ça ressemble à quoi? C'est entre l'écureuil et le rat. Mimique d'étonnement, elle en loucherait presque. D'accord. Nathalie avance la main, mais alors que je m'attendais à ce qu'elle écarte la coupelle ou à tout le moins la repose vers moi, elle prend une pique sans hésitation aucune, la porte à sa bouche et détache délicatement le petit morceau d'agouti du bout des dents. Les jolies lèvres se referment, je démaxillaire sous la peau, yeux fermés, elle déglutit. Les beaux yeux bleus s'ouvrent, bingo! C'est délicieux, pimenté mais délicieux. Je lève mon verre. À la gastronomie africaine. Nathalie lève le sien, nous trinquons. Elle rit. Tu devrais sérieusement songer à écrire un guide gastronomique et touristique sur l'Afrique. Je suis sûr que tu auras du succès. Sur ce continent, il y a autant de spécialités culinaires qu'il y a d'ethnies, donc une multitude. Je devrais m'y consacrer à plein temps pour le tenir à jour. Nous trinquons. Une gorgée du fameux cocktail Loba. C'est doux, parfumé, rafraîchissant. Le goût du gingembre arrive en premier, puis vient la douceur du bissap et la fraîcheur du citron. Nathalie est bluffée. C'est absolument délicieux, mais c'est étrange. On ne sent même pas le gin. C'est là qu'est le piège. Comme l'éponge en général, tu ne sens pas l'alcool et au bout de 3 verres, tu roules sous la table. mot de réprobation. Ça ne m'est jamais arrivé, je crois que ça n'arrivera jamais. J'aime boire de bons alcools, mais je détesterais, comme tu dis, rouler sous la table. D'ailleurs, avec la modération, le meilleur moyen que je connaisse de garder sa tête est de se garnir l'estomac. » Elle joint le geste à la parole et, en quelques 10 minutes, a goûté à chacune des spécialités, y allant chaque fois de son commentaire, souvent étonné, toujours satisfait. Dans le fond de la salle, une silhouette se profile. Suivant mon regard, Nathalie se retourne, c'est James. Elle lui fait signe de nous rejoindre et de s'asseoir. « Vous désirez boire quelque chose, James ?» Relevant ses rébanes sur son front d'un geste machinal, l'interpellé jeta un rapide coup d'œil circulaire et suspicieux sur l'assortiment de petits plats et nos cocktails. Une moue de perplexité, pour ne pas dire de désapprobation, et « Je crois que ce sera un whisky soda. » Je fais un geste au barman. Sans attendre d'être servi, James fait son rapport à Nathalie. « Bon, pour la police, pas de problème, tout est en règle. Le commissaire est même très sympa, il m'a suggéré de faire une visite de courtoisie au maire demain matin. Ça tombe bien. Les relevés de demain prendront moins de temps, car ils concernent le site le plus proche. » Il se tourne vers moi. « Vous êtes aussi concerné, monsieur Rin. » Le barman lui apporte son whisky et repart derrière son comptoir. James boit une gorgée et poursuit. « Pour les Rangers du parc national, ça a été un peu plus compliqué. » Nathalie fronce les sourcils. « Non, rassurez-vous. Sur le plan administratif, tout est OK. Mais ils m'ont posé un tas de questions et... heureusement. Mais ne vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'un problème logistique à résoudre. » Une ou deux autres gorgées de whisky soda, manifestement il a le gosier sec. James continue son exposé. Le commandant des Rangers m'a demandé que je lui indique sur la carte les endroits précis des relevés. Pour demain, aucun problème. Mais quand je lui ai montré la zone pour après-demain, il a eu l'air étonné et m'en a fait préciser la localisation. Bref, il y a un souci. Il semble que votre documentation ou celle de la NASA ne soit pas à jour. Petit sursaut de Nathalie. Pas à jour. Oui. C'est consécutif à l'éruption de novembre 1982. Une faille s'est ouverte vers 2500 mètres d'altitude, 1000 mètres au-dessus de la zone où vous devez travailler. Il y a eu des coulées de lave importantes qui sont descendues jusque vers les 1000 mètres et qui ont emporté la piste. Donc, plus d'accès direct au site. Il faut marcher sur plus de 2 km dans un environnement chaotique, ce qui est déjà très compliqué. Avec le matériel à transporter, ça devient impossible. Nathalie a l'air d'être très, très contrariée. Êtes-vous en train de me dire que je dois laisser tomber cette partie de la mission ? Non, mais il va nous falloir des porteurs et une escorte de 4 Rangers. En plus, l'accès à cette zone n'est autorisé qu'avec casque et masque pour se protéger d'éventuelles projections et des émanations sulfureuses. Avec les Rangers et les porteurs, nous serions 10. Ce qui signifie achat de 10 casques et de 10 masques à double cartouche, plus la location d'un véhicule pour amener les porteurs à pied d'œuvre. Leur service n'étant pas gratuit, pas plus que pour les Rangers, j'espère que vous avez le budget nécessaire. Ah oui, j'allais oublier. Le commandant des Rangers se propose pour organiser tout ça, et si vous voulez mon avis, ce n'est pas une option. D'une part, parce que nous n'avons pas le temps de nous en occuper nous-mêmes, d'autre part, parce qu'il compte bien prendre sa commission. Il m'a laissé son numéro. Si j'ai votre OK, je l'appelle, il s'occupe de tout. James en a terminé. Il descend le reste de son verre d'un seul trait. C'était une grosse soif. Il est vrai qu'il a beaucoup parlé. Son index gauche replié sur ses lèvres, les yeux fermés, Nathalie est plongée dans un abîme de réflexion. Nos 3 verres sont vides. Je fais un signe au barman de remettre ça. Et la rapidité avec laquelle il nous réapprovisionne est proprement stupéfiante. Aurais-je quitté l'Afrique sans m'en être rendu compte ? Nathalie sort enfin de sa transe. « Ok, appelez-le. » Une gorgée de cocktail, quelques arachides, c'est comme si elle n'avait pas remarqué que son verre s'était miraculeusement rempli. Je sais qu'il n'en est rien. Quelque intense qu'ait pu être sa réflexion et même les yeux fermés, Nathalie n'a pas perdu une miette de ce qui s'est passé autour d'elle. Elle est l'exemple même de la femme qui peut gérer 2 problèmes en même temps sans que pour autant une action n'interfère sur l'autre. James est déjà debout et se dirige vers l'extrémité du comptoir où un poste téléphonique est à la disposition des clients. Nat se passe la main dans les cheveux qu'elle ramène en arrière, comme si elle venait d'avoir très chaud. Le sourire qu'elle m'adresse est un peu contraint. Lorsque Fred apprendra ça, J'en connais quelques-uns qui auront des insomnies. Son regard m'interroge. Dis-moi, tu n'es pas très bavard. Et que voulais-tu que je dise? Je ne crois avoir ni l'autorité ni les compétences pour intervenir. Ma seule remarque serait pour dire que James et toi, vous vous débrouillez très bien. James revient. Voilà, c'est OK. Nous avons rendez-vous après-demain à 7 heures devant le bureau des Rangers. Les porteurs seront là avec les véhicules et tout le matériel. Elle sourit enfin, tout son corps semble se détendre. Maintenant que tout est clean, on va enfin pouvoir profiter tranquillement de notre soirée. Merci pour votre efficacité, James. Nathalie l'invite à se rasseoir. Pour rester dîner avec nous? Il incline la tête pour remercier. Non, vraiment. C'est gentil à vous, mais après ces 2 heures de conduite sportive et la palabre avec le commandant des Rangers, j'ai besoin de récupérer. Je me ferai livrer un room service. OK. Bonne soirée, James. À demain pour le breakfast. Entendu. Bonne soirée, docteur. Monsieur. Je regarde James s'éloigner. Pour quelqu'un de fatigué et sa corpulence, sa démarche est étonnamment légère. J'en fais la remarque à Nathalie qui me répond le plus sérieusement du monde. Sans doute, mais il y a encore des progrès à faire. Parce que toi, quand tu marches, on dirait un chat. Les yeux mi-clos, se regarde le filtre entre ses paupières, elle se reprend. Non, pas un chat, plutôt un puma. C'est ça, un puma. Et pas seulement quand tu marches. Jugeant de l'effet de sa réplique, elle porte son verre à ses lèvres par-dessus lequel elle m'observe. Quelque chose me dit que la soirée risque d'être mouvementée. Une dernière gorgée pour vider son verre, elle se lève, me tend la main. Et si nous allions faire un tour dans ce magnifique jardin? Je prends cette jolie main et l'entraîne. Tu as raison, il est splendide et à part moi, je ne pense pas que tu risques d'y faire de mauvaises rencontres. Son rire trouble un instant l'atmosphère feutrée du lieu. Nous sortons sur la terrasse par l'une des larges baies. L'air est léger et frais et la promenade dans les allées éclairées par des plots au ras du sol a quelque chose de féerique. Dire que nous ne profitons pas d'un ou deux bosquets pour échanger quelques bisous serait mentir, d'autant que certains coins sombres méritent que l'on s'y attarde. C'est d'ailleurs le cas de cette alcôve aménagée au milieu d'un groupe de filaos au feuillage exceptionnellement dense. La pénombre nous l'avait cachée et nous manquons le heurter. C'est un imposant banc en bois massif aux accoudoirs sculptés dans un style assez particulier. Les courbes de l'assise et du dossier se rejoignent si harmonieusement qu'il est totalement impossible de résister à un tel appel. Une pirouette qui fait voler sa robe telle une corolle. Nathalie s'assied me tend la main. J'aurais peut-être résisté aux courbes du banc, mais comment résister à celle de Nat et à son sourire? Sa robe blanche fait une tache claire sur le fond sombre des filaos. Je m'assieds près d'elle, en fait, tout contre elle, si près que je distingue parfaitement l'azur de ses prunelles. Elle passe un bras autour de mes épaules et doucement, mais irrésistiblement, m'attire vers elle. Nos lèvres se frôlent, sa main cherche la mienne. Oula, je connais ce regard. Elle ne peut tout de même pas envisager ça ici. Eh bien si. Je n'oppose pas vraiment de résistance. Elle raffermit sa prise, me guidant vers ses genoux largement découverts par sa robe qu'à aucun moment elle n'a cherché à rabattre. Elle attire un peu plus ma main vers elle. La fraîcheur de sa peau se mue graduellement en tiédeur puis en une douce chaleur. Parvenue à mi-parcours, elle l'abandonne, passant la sienne derrière ma nuque. Que ses lèvres sont douces. Ses doigts se mêlent à mes cheveux. Son baiser devient plus inquisiteur. Comme animé d'une vie propre, ma main remonte lentement sur le satin de sa peau. Je fonds. Il faudrait pourtant que je résiste. Je ne devrais pas céder, pas ici. Mais peut-on résister à Nathalie? D'autant que je sursaute. Mes doigts me le confirment, elle n'a rien dessous. Nat, tu étais comme ça depuis le début. Le sourire sur ce visage de Madone est-il celui d'un ange ou celui d'un démon? Elle fait mine de réfléchir. Je crois bien que oui. Et au bar, pendant tout ce temps? Je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant que tu le dis. Puis juste avant de reprendre ma bouche dans un baiser de feu. John, caresse-moi ou je hurle.